Allez, c'est parti. Eh oui, petit bruit de voiture. Un bruit de voiture parce que c'est à peu près les seuls moments où je me retrouve un petit peu tout seul et que je réfléchis. Enfin, il n'y a pas que dans ma voiture que je réfléchis. C'est pas le sujet. C'est simplement que c'est le seul endroit où je peux laisser aller librement le cours de la pensée, le cours de la parole. Un peu comme sûrement la grande majorité d'entre vous, que ce soit même en marchant, en vélo ou n'importe où. Et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de me dire, tiens, t'es quand même pas le seul qui doit avoir des trucs à se dire ou qui même éventuellement les partage. C'est toujours difficile dans une discussion parce que par définition c'est un échange. Donc le flot de l'idée peut être interrompu, le propos, l'argumentation. C'est pas mal, hein. Heureusement d'ailleurs qu'on peut encore échanger. Enfin, pour certains, on arrive encore à échanger. Il faut le vouloir. Et je me suis dit, ben voilà, tiens, ce serait pas mal. Ça fait un petit moment que ça me court dans la tête. Je me suis dit, ouais, mais c'est compliqué. Et puis, est-ce que ça intéresse les gens? Je sais pas. Puis, ça fait un petit moment déjà que j'écoute des podcasts. Parce que j'en ai un peu marre de la radio. Là. La radio fourre-tout, de la radio conventionnelle, une espèce de radio qui commence à devenir un petit peu comme la télé, où on voit vraiment beaucoup, beaucoup de merde, hein, faut se le dire. Hein. Puis de toute façon, je vous le dis, parce qu'il n'y a que moi pour décider si ça restera fort. Ou pas au montage. D'ailleurs, je sais même pas si je ferai le montage. C'est un rush test, c'est pour voir. C'est pour voir comment ça réagit. Et qu'est-ce qui m'a décidé à faire ça? D'une part, l'idée que j'en avais. Et le fait d'écouter un podcast qui s'appelle Radio Navo, où il fait son marché parler. Donc j'ai découvert ça il y a une semaine, via Podcastor, qui est un très bon podcast qui s'amuse un petit peu à recenser tous les podcasts, pas forcément du moment, les incontournables, les découvertes, les petits trucs à voir à droite à gauche. Je crois que c'est animé par César, si je me souviens bien, qu'il y a toute une équipe de 3, 4, 5 personnes qui voyagent autour de lui comme ça en satellite. Et Navo, je le connaissais parce que j'avais regardé l'original, la nuit originale, que je connais. Concept, je crois que c'est animé par Thomas Hercouet, si je dis pas de bêtises. J'ai découvert plein de gens, je me suis dit, mais d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils font? Je sors de ma grotte, hein, je suis dans l'année de mes 40 ans, donc ne vous étonnez pas, je découvre. Mais je vous rassure, vous aussi, vous découvrirez plein de trucs. Hein. Pas spécialement par moi, mais plus tard, vous allez voir, hein, vous allez vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et j'ai découvert ces gens-là. Navo, bon, je sais qu'il y avait donc Hercouet, il y avait Flaubert... Malric, je crois. C'est tout un tas de gens où j'ai navigué comme ça, j'ai écouté un petit peu. J'ai pas forcément approfondi tout. Parce que tout ne me plaisait pas forcément, ou tout ne m'intéressait pas forcément à l'époque. Voilà, puis ça prend du temps de vraiment connaître les gens, de vraiment savoir ce qu'on aime. Il y a un moment, il faut fouiller, il faut aller regarder. Donc je me suis dit, bon, je vais rester sur Navo, j'ai écouté. J'ai écouté pendant un moment, enfin j'ai lu, j'ai regardé ce qu'il faisait. Ça m'a un peu lassé. Je trouvais ça monocorde, c'est très bien, hein, il n'y a pas de soucis, mais ça me dérangeait pas, mais voilà, j'aime bien changer régulièrement d'horizon, d'envie, je marche beaucoup à l'envie. Je suis revenu dessus parce que justement, Podcastor en parlait, ils ont dit le marché parler, j'ai dit putain, le marché parler, hein, ça. Vaguement dans le titre, je sens le gars qui parle en marchant, ouais, je suis très perspicace comme ça par moment. Et effectivement, c'est ce qu'il fait, et je me suis dit, oh. Eh ben ouais, ben lui il a osé le faire. Et c'est pas parce que c'est l'auteur de Bref, un des co-auteurs de Bref, qui travaille pour les Golden Moustache, que ça marche, non? Je pense que ça marche uniquement parce que il avait envie de le faire. Donc je me suis dit, ben ouais, je vais le faire. J'ai écouté plusieurs de ces marchés parlés, je crois que je me suis arrêté au 5e ou au 6e, je voudrais pas dire de bêtises, on va ralentir un peu parce que là c'est 50. Et il disait, mais de toute façon, essaye, et puis oui, ça va rater, mais bien sûr que tu vas rater. Moi, je dis, bah, tant qu'à rater, pour rater, on va essayer. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous allez en penser. Je sais pas quel sera le format, je sais pas quelle sera la fréquence. Ce qui sera sûr, ce qui est sûr, c'est que ce sera dans ma voiture. Donc il y aura sûrement toujours un petit bruit de fond. Il faut que je vois si la qualité du micro suffit ou s'il faut que j'en change. Je sais pas quand on parlera. Je sais pas quand est-ce qu'on se parlera. Enfin, quand est-ce que je vous parlerai. Je sais même pas où est-ce que je vais publier ça. Peut-être sur SoundCloud. Je crois que j'ai un compte SoundCloud. Oui. Voilà. Vous aurez, si vous aimez, si vous aimez pas, ben, comme dirait Navo, je m'en fous, mais venez pas me saouler avec ça. Voilà. Si vous aimez ou si vous voyez des trucs qu'on peut éventuellement améliorer, dites-moi. Pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt puisqu'il n'y aura pas encore de contenu. Et au fur et à mesure. Et si vous n'aimez pas, voilà, je vais faire comme lui, fermer votre gueule, mais ne me faites pas chier. Je suis pas là pour me prendre la tête, je me prends déjà assez la tête au taf toute la journée. D'accord? Je suis pas là pour. Je suis là pour faire un truc qui me plaît. Ça me fait passer du temps, ça me fait réfléchir, ça me fait discuter, ça me fait extérioriser aussi, je pense que. C'est pas mal au moins de pas garder ça. Déjà de le dire, c'est lui donner une réalité. Donc, de tenir un propos, c'est lui donner une réalité, c'est de le matérialiser, c'est de, peut-être aussi de se dire, est-ce que c'est pas une grosse connerie que je dis? Voilà. Donc si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Déjà si vous êtes resté jusque là, vous avez du courage. C'est pas mal. Donc tant qu'à faire, je sais pas pour combien de temps il y en a encore, mais restez au bout, mettez-moi juste un petit mot, je dirai ce que vous en pensez. Voilà. Si c'est pour me mettre, c'est de la merde, ouais ok, bon tant pis, hein, tu m'auras eu, j'aurais eu ton commentaire. Mais honnêtement, ça me fera rien. Ça me fera rien parce que j'en attends rien. Voilà. C'est juste. C'est pas un exutoire. C'est pas une tribune libre où je vais aller cracher sur la gueule de tout le monde. Non, c'est. Voilà, c'est mon espace numérique où je vais parler. Où je vous répondrai peut-être. Je sais pas. Ça me paraît vague comme concept. Mais bon, c'est. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Ça faisait un moment, puis j'ai entendu Navo qui dit ouais, tu vas rater. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu le fais pas, tu peux que rater. Si tu essayes, tu te donnes des chances de réussir. Voilà. Voilà, c'est à peu près en plus le discours que je tiens à mes gamins tout le temps. C'est que c'est sûr que si tu le fais pas, ça marchera pas. Ben oui. Donc. Voilà, j'espère qu'il y aura du montage, est-ce qu'il n'y aura pas de montage. J'en sais rien. On est le 14 juillet, voilà. J'ai ma maman qui est à la maison, elle est descendue du Havre. Je me suis dit, ben voilà, c'était vacances et je m'étais promis que l'année de mes 40 piges, parce que je vais avoir 40 ans au mois d'août. Je m'étais promis que l'année de mes 40 piges, ben, je me ferais une année où je me ferais plaisir. Enfin, je me ferais plaisir. Attention, toute proportion gardée. Mais j'essaierai de ne pas me refuser trop de trucs si c'est dans mes moyens. Voilà. J'ai mes gamins plutôt jeunes. Hein. J'en ai 39. Ma fille aînée en a eu 22 cette année. Donc voilà, je vais faire le calcul. J'ai mon gamin, le deuxième, qui va sur ses 20 piges. J'ai la dernière qui vient d'en avoir 16. Donc voilà. Vous faites tout ça et puis vous vous rendrez compte que ça fait quand même un moment que je suis en charge. Qu'on fait pas mal de concessions, qu'on a pas mal d'accidents de vie, de parcours. Et je me suis dit, cette année, voilà, je la prends pour moi. Et puis, OSEF, hein, voilà, d'habitude, un exemple, c'est que d'habitude, quand j'appelle quelqu'un, que je donne rendez-vous, ou que je donne une consigne, je m'appelle, j'appelle, ou on rentre en contact, hein, par mail ou SMS, je lui dis, voilà, ok, on fait ça, telle date, tu me confirmes. Et ce tu me confirmes là, il me rendait malade. Parce que les gens, soit des fois ils oubliaient. Ils oubliaient même pas de confirmer, ils oubliaient tout court ce qu'on avait décidé. Et donc je relançais. Je me disais, je vais m'en assurer quand même. Une fois, ça raconte pas, deux fois, ouais, bon, des fois, au bout de la deuxième fois, tu les touches. Et là, je me suis dit, non mais arrête de courir après tout le monde. Tu perds de l'énergie, pas grand chose, en fait. Parce que les gens, ils s'en foutent, ils prennent même plus le temps de répondre. Les trois quarts des gens ne prennent même plus le temps de répondre. Et bien, écoute, bah, pendant un an, tu vas faire comme eux. Voilà. Tu vas prendre une information, si on ne dit pas, si on ne dit pas où tu es, tu ne réponds qu'à ce qu'on te demande de répondre. Et je fais ça depuis... Donc, je suis pas rentré dans mes 40 piges, mais j'ai déjà commencé. Et je vous jure qu'on simplifie vachement la vie. Alors, il y en a qui vont peut-être me dire, ah, mais tu découvres ça que maintenant. Ben ouais, moi, j'avais une nature où j'aimais bien verrouiller les choses, enfin, cadrer, quoi, que tout le monde, que ce soit clair pour tout le monde. Et je me rends compte que les gens s'en branlent, mais alors, mais tu me forces, je n'imaginais même pas. Donc, je vais arrêter. On a eu un échange comme ça avec ma mère. Je sais plus de quoi en parler. Oui, ma fille aînée devait venir manger hier. Et la première fois que je l'avais au téléphone, elle me dit oh, bah, je viendrai vers 11h à 11h. Ok, bon, ça ne me dérange pas, une fourchette, ça me va. Elle me dit entre 11h à 11h30. Hier, tranquillou. Je me mets à la pop-up, là, je peux quand même tirer des autos aux légumes, deux, trois petits morceaux de poulet dedans. Midi. Écart. Ah mais il est peut-être arrivé quelque chose, machin, je fais t'inquiète pas que s'il était arrivé quelque chose, on le saurait. Et voilà, c'est ça. C'est, je sais que je vais être en retard, mais je préviens même pas. Et ça, la ponctualité, ils le savent les gens, c'est que je fais attention à ça. J'avais entendu dans une émission qu'on disait que être à l'heure, c'était déjà être en retard. Je crois que c'est un professeur de cuisine dans une des écoles réputées dans la région de Lyon. D'être à l'heure, c'est déjà être en retard. C'est exactement ça. Tu n'as pas besoin d'être une demi-heure en avance. 5 minutes en avance, ça suffit. Ça montre juste le peu d'intérêt qu'on peut avoir à ce que disent les gens, à ce que demandent les gens. Ici, ils ont ce qu'ils appellent le quart d'heure bordelais. Ouais, parce que je suis là. J'ai peut-être l'accent ou pas, en fonction de comment tu déformes la voix au micro. Mais moi je suis pas de Bordeaux, moi je suis né au Havre, j'ai vécu à 10 ans, peut-être 10 ans. Je suis parti tout jeune, tout gamin. Je suis arrivé à Dunkerque. C'est en carnaval là. Et je suis arrivé là-haut. Attention, petit rond-point. Et j'ai déménagé 16 ans plus tard. Donc je suis arrivé sur Bordeaux en 90. Je vais avoir 16 ans. Ah, donc je suis pas d'ici. Et ici, le premier truc qui m'a choqué, c'est leur putain de quart d'heure bordelais. Les Bordelais peuvent être très très gentils, j'ai pas de soucis avec ça. Les gens sont ce qu'ils sont, des cons, il y en a partout, des gens très bien, il y en a partout. Ça, c'est pas un problème de... C'est pas propre aux Bordelais. Mais ici, ils ont le culot d'appeler ça le quart d'heure bordelais. Bon, bah c'est bien, enfin non. Non, moi je m'en branle quand je dis que je vais être là à 4h15, je suis là à 4h10, 4h15. Si je ne vais pas être dans l'heure, même si je vais avoir 5 minutes de retard, et bien je prends le temps, je me colle sur le côté. Quand je suis en voiture, la plupart du temps je suis en voiture, je préviens. C'est juste ça. Et bien j'ai décidé que je le ferai plus. Cette année en tout cas, je le ferai plus. Voilà. Ça va être une des premières choses que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire en fait ? Je vais profiter. Ouais, j'ai déjà dû le dire. Profiter dans cette région, c'est tellement facile. C'est tellement agréable. Voilà. Moi, j'habite à... Je suis en périphérie de Bordeaux. Je suis à une vingtaine de minutes en bagnole. Et l'agglomération bordelaise est très dense. Et je suis à une demi-heure de la plage du Port. Là. Je dois être à... 2h30 de l'Espagne. J'ai du beau temps, il fait un temps magnifique. C'est une région merveilleuse. On mange, je suis sûr que dans d'autres régions aussi on mange très bien. La gastronomie par ici. Bon, regarde, beaucoup de gens disent ouais c'est ça. Mais non, c'est vraiment un art de vivre. C'est vraiment un art de vivre. C'est-à-dire que le barbecue ici. C'est sacré, les copains sont sacrés, le vin est sacré. Voilà, je vais couper là parce que je vais arriver chez moi. Là, je viens d'aller faire mes courses, ouais, je suis le 14 juillet. Mais bon, je suis en vacances et je fais ce que je veux. Je Désolé pour les gens qui travaillent le 14 juillet. D'ailleurs, désolé pour ceux qui travaillent ces jours-là, le dimanche, le samedi, le machin. On aura l'occasion d'en reparler du travail. Parce que je pense que ça prend une part trop importante dans notre vie et il est temps de changer notre rapport au travail. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'accompagner tout le temps, comme j'essaierai de faire ça. J'essaierai de vous tenir au courant. Et voilà, donc je suis désolé pour les gens qui travaillent, les gens fériés, les dimanches, les samedis, les lundis, les mardis, les mercredis. Voilà, mais il en faut. C'est ça aussi la contrepartie. Chacun fait sa part du boulot. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un job aussi. Voilà. Et puis je vais vous laisser là-dessus. Voilà, je suis dans une petite ruinité à prendre. J'espère que le bruit du moteur vous aura pas trop dérangé. Ou le passage de vitesse, parce que je me rends compte que le téléphone est relativement près du problème de vitesse. J'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà. Je sais pas, ça doit faire une vingtaine de minutes. Je sais pas, je peux pas regarder le compteur quand je conduis. Quand sur téléphone, je suis obligé de regarder le compte devant moi. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je ne sais même pas si je reviendrai. Dites-moi, si vous avez le malheur ou le bonheur de tomber sur ce podcast, ou l'opportunité, je prétentieux de dire le bonheur ou le malheur, si vous avez l'opportunité de tomber là-dessus, juste me laisser un petit... Au moins que vous l'avez vu. Me dire que vous l'avez vu. Je pense que je le mettrai sur SoundCloud. Et puis après, je pense que peut-être que je le partagerai sur Twitter, vous encourager à l'écouter. Voilà, allez. Mais comme dirait Mavo, hein, je te fais des bisous, je te dis à plus tard. On se quitte comme au téléphone. Allez, ciao, la bise.